Parce qu'on ne peut savoir où l'on va sans savoir d'où l'on vient. Passeur de mémoire, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'histoire en partenariat avec l'Union nationale des combattants et la Voix du combattant. La grande cascade du Bois de Boulogne, le lieu est plutôt champêtre et propice aux promenades. Pourtant, il représente tout un symbole de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un pan de l'histoire dont chaque Parisien connaît un petit détail. Je sais entre autres qu'il y a des gens qui ont été fusillés. On trouve des balles effectivement sur un arbre à côté du monument. Hein. Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, 35 jeunes résistants ont été exécutés à cet endroit. Quelques jours seulement, avant la grande insurrection de Paris, ils s'étaient réunis pour distribuer des armes, mais sont tombés dans un guet-apens. Ils devaient rentrer dans un camion pour être dirigés à l'endroit même où devaient être livrées ces armes, qui devaient être ensuite alimentées d'autres mouvements résistants. Ils ont donc été encadrés donc, dans cette camionnette, et puis conduits jusqu'ici pour être exécutés. Ça n'est que le lendemain matin qu'un certain nombre de Parisiens ont retrouvé les corps, les ont ensuite déplacés pour faire une chapelle ardente au 65 de l'avenue Chardon-Lagache. En juillet 1946, le conseil municipal de Paris inaugure cette stèle en hommage aux martyrs. C'est le mémorial des fusillés de la Résistance, puis 16 août 1944, et on retrouve la lettre de Guy Moquet dessus. Ce samedi, les élus parisiens vont à nouveau se réunir sur le lieu de cette exécution qui précéda de quelques heures la libération de la capitale. Sanglant mois d'août 1944, le vent de la défaite souffle sur les armées allemandes qui vont se livrer à une série de massacres à Paris dans la région parisienne. Pour les mouvements de résistance, c'est le moment de l'insurrection ouverte avec, pour corollaire, la recherche d'armes par tous les moyens, y compris parfois les plus imprudents. Pour les nazis, la retenue qui était de rigueur auparavant avec des assassinats légaux de tribunaux militaires et exécutions montvalériens, n'est plus de mise. On tue en public à la cascade du Bois de Boulogne, à Chelles, rue Leroux à Paris. La libération s'approche et les cadavres s'accumulent. À l'origine de la plupart de ces morts, un agent de l'Abwehr, service du contre-espionnage de la Wehrmacht, qui se faisant passer pour un émissaire de l'intelligence service de Londres, fera tomber un groupe de jeunes, des jeunes combattants chrétiens, de l'OCM, l'organisation civile et militaire et des FTPF. Un article signé Adam Reski de l'association partenaire de passeurs de mémoire Les Clionautes, qui est, vous l'avez bien compris, le massacre de la cascade du Bois de Boulogne, que je vous invite à découvrir tout de suite après cette première petite pause. Businessman who goes to work. I am a student girl, so worries about a future. I am a foreign boy who discovers New York. I am a good father who works so hard. I am a good mother who's looking for a child. I am a lonely person without a house. I am a little girl, oh a little mouse. Innocence. Un mois plus tôt, cet agent de l'Abwehr a provoqué l'arrestation de nombreux cadres de l'armée juive. Un épisode tragique qui a été relaté et analysé largement dans l'ouvrage « Le choix des Juifs » sous Vichy, aux éditions La Découverte, pages 307 à 311, sur la base des notes écrites par des responsables de l'armée juive ayant vécu le piège et survécu par chance. En revanche, l'enquête menée sur le massacre de la Cascade, bien qu'il s'agisse d'un événement largement connu et commémoré officiellement depuis longtemps, s'est heurtée à un vide archivistique. Il est vrai qu'il n'y a pas eu, ou presque pas, de survivants. La police française, prise déjà dans les mouvements pré-insurrectionnels, avait probablement négligé de dresser les procès-verbaux. L'aurait-elle fait ? Les constats n'auraient pas été suivis d'éléments d'enquête sur les circonstances du massacre. Et pourtant, à la section du XXe siècle des Archives nationales, 72 AJ 61 pièce AI 21, nous avons trouvé un rapport fait par les parents d'un garçon fusillé, Pierre Sabara Bérouze, membre de la Jeunesse catholique combattante. Le rapport en question a été remis, on ignore la date, au comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale auprès du Premier ministre. À la liquidation du comité en 1980, ces archives sont passées à l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, et également aux Archives Nationales. Le point de départ du rapport est l'abbé Borme de la conférence Saint-Vincent de Paul du 13e arrondissement de Paris, très proche de la jeunesse combattante catholique. Il apparaît comme une figure centrale et suit de très près les efforts de cette organisation dans la recherche d'armes à la veille de l'insurrection de la capitale. Ce qui frappe dans cette ruée vers les armes des résistants, c'est qu'ils ne font pas preuve d'un minimum de circonscription. Nous ne portons pas un jugement de valeur, mais un constat. D'ailleurs, des résistants plus avertis sont souvent victimes des mêmes agents de l'Abwehr. Leur technique avait pourtant tout une dimension psychologique en installant dans la relation avec leur interlocuteur un climat de confiance absolue au point d'aboutir, en quelque sorte, à un envoûtement. Cela est particulièrement évident le jour du 16 août où se referme ce fameux piège. Les résistants redeviennent eux-mêmes lorsqu'un des garçons pousse le cri « Les Fridolins sont là ». En somme, d'un côté, des hommes assoiffés d'armes et impatients d'avoir l'honneur de se battre et de donner leur vie pour la France, de l'autre, des hommes assoiffés de sang et affolés devant l'imminence de leur défaite. Quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois qu'une très vieille femme au noir illuminait pour moi. Une maison toute en pierre que la mer a rongée au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie. La mélancolie, l'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie, un sentier. pieds dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau. Un jardin dans la campagne pour mes jours de repos. Une maison toute en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Et par tous les chemins j'y reviens. L'abbé Borme connaît une résistante infirmière de la Croix-Rouge, Jeanne, et il sait qu'elle est susceptible, grâce à ses relations, de procurer des armes. Jeanne est en contact avec un certain Alexandre qui travaille dans un service de renseignement anglais. Son chef, dit le rapport, est Charles Borel. Il faut le lire pour elle. Ce dernier est sous les ordres d'un officier cité souvent dans les rapports du nom de capitaine. Jeanne se charge d'établir le contact entre les résistants et Alexandre. Elle organise en premier lieu, on ignore la date, une rencontre entre Jean Guérin, le responsable de la jeunesse catholique, et Alexandre. Jean Guérin et Alexandre se sont retrouvés à quelques reprises. Aucune indication sur les sujets abordés, mais on se doute que l'objet principal, sinon unique, était la mise en place de la remise des armes aux intéressés. Au premier rendez-vous de Jean Guérin avec Alexandre auquel elle assiste, Jeanne retrouve Catherine, une connaissance, en fait Lydia Tcherfinska, accompagnée de Porel. Cette dernière ne fait pas de mystère de ses relations amoureuses avec Charles Porel, parfait dans son rôle d'agent de l'intelligence service. Ses victimes, les jeunes qui seront assassinés la nuit du 16 au 17 août 1944, découvriront trop tard son véritable rôle. D'autre part, Jeanne présente à Alexandre Fernand Bélanger, dit Bizet, responsable militaire des JCC, ainsi que le jeune Guy Emery, de l'OCM. L'opération de remise des armes, souhaitée la plus large possible par les soi-disant agents de renseignement britanniques, se met progressivement en place. Jean Guérin et Guy Emery préparent les équipes chargées de la récupération des armes et établissent, d'autre part, une liaison avec les FTPF de Shell en Seine-et-Marne. Jean Guérin est arrêté le 7 août par la Gestapo dans les conditions qu'on n'a pas pu éclaircir. Cette arrestation ne paraît pas avoir de lien direct avec la présente affaire, estime-t-on. À propos de cette arrestation, il n'est pas sans intérêt de noter que des disparitions isolées en cas de filature étaient une méthode fréquente dans la police, soucieuse de ne pas éveiller dans les organisations des soupçons de filature. Quant à nous, nous nous sommes enclins à penser que Jean Guérin, chef confirmé, devait manifester quelques doutes sur ses interlocuteurs pour que ces derniers se décident à le faire disparaître. Après un court séjour à Fresnes, il fait partie du convoi des déportés du 16 août. Eskualdunak Après plusieurs rendez-vous, entre autres avec Guy Emery, Alexandre, le capitaine et Charles Porel, accompagnés systématiquement de Catherine et Lydia Tcherfinska, se dégage le plan de rassemblement des résistants en trois points géographiques, autrement dit le mécanisme du guet-apens. Les JCC se retrouveront rue de Troyon en reliant les avenues Wagram et de MacMahon. Les FTPF à Chelles, angle de la rue Saint-Ferdinand et de la rue d'Armaillé. Les OCM, rue Saint-Ferdinand et avenue de la Grande Armée. On arrive à la date fatidique du 16 août. Le groupe de Chelles, au nombre de 17, conduit par Favé et Schlosser, s'est rendu vers 10h sur le lieu de rendez-vous, s'installant sur la terrasse du café Le Franc-Tireur. Ce café vient d'un monument à la gloire des francs-tireurs de la guerre de 70 qui se trouvait à cette époque sur la petite place qui porte aujourd'hui le nom de Tristan Bernard. Le docteur Blanchet de Chelles est venu avec une ambulance dans laquelle ont pris place deux ou trois résistants, tous les autres sont venus en camion. De ce groupe de Chelles, il y aura trois rescapés dont Favé, on ignore le nom des deux autres. Michèle Boursier, alias Diane, est responsable féminine nationale des jeunes catholiques combattants. Elle est venue rue de Troyon en vélo, les résistants catholiques s'impatientent et envoient Diane retrouver le capitaine qui devait être à la porte Maillot. Rescapée, Diane témoigne sur les circonstances de la réalisation du guet-apens concernant les jeunes catholiques. Par contre, elle ignorait ce qui se passait au même moment avec le groupe de Chelles. Les JCC arrivent presque en même temps que le camion de l'OCM que l'on a dépanné et qui est conduit par un chauffeur de l'OCM. Diane fait part de cette arrivée au capitaine et demande dans quel camion il convient de monter. Le capitaine répond d'occuper son camion à lui et de ranger celui de l'OCM. Le chauffeur de ce camion a vu arriver la Gestapo qui s'est emparée de son camion. Il a pu s'enfuir à temps. Les jeunes montent. Diane, sur ordre du capitaine, prend place également alors qu'elle se disposait à repartir en bicyclette. Auparavant, Guy Emery a dit aux quatre de l'OCM, sur ordre du capitaine, de se désarmer. Ils ont donc laissé leurs deux mitraillettes, deux ou trois, dans le camion de l'OCM. Ils ont cependant conservé sur eux leurs revolvers. Derrière le camion, deux autres restent toujours en attente. Il est environ midi, le camion part, le capitaine, lui, s'en va de son côté. Guy Emery devient le chef de l'expédition et selon les instructions reçues, il ferme le camion de l'intérieur. Deux hommes inconnus sont à l'avant, dont l'un conduit. Guy explique qu'il y aura deux arrêts. Au premier, personne ne doit bouger ni regarder. Au second seulement, on se trouvera à destination. On roule environ 5 minutes. Le camion s'arrête. Il est visible par les fentes du camion que l'on se trouve dans une large avenue d'où l'on aperçoit le ballon des Ternes. Il s'agissait d'un monument représentant un ballon qui servait en 1870 quand Paris était investi par l'armée prussienne. Aujourd'hui, c'est la place du Général Koenig vers l'entrée de l'hôtel Concorde. Un terrain vague est situé sur la droite. Au bout de 5 minutes d'arrêt, on s'impatiente. Un jeune entr'ouvre la bâche et aperçoit des soldats allemands qui s'approchent. « Voici les Fridolins !» s'écrie-t-il effaré. Bizet recommande le silence. Subitement, des injonctions. « Raus !» Des coups de crosse dans les panneaux et la mitraillade. Tous se couchent. Les jeunes de l'OCN sortent leurs revolvers. Une voix de l'extérieur dit en français « Sautez !» La rafale continue. Bizet fait rentrer les armes. « C'est inutile, dit-il. » Sous le feu, on commence à sauter du camion. Diane est la troisième. Celui qui a sauté devant elle est blessé aux jambes. À la vue de Diane, le feu cesse tout net. Bizet se retrouve légèrement blessé à la tête. Nouvelle rafale de mitraillette pendant quelques minutes, dirigée sensiblement au-dessus des têtes. Il y a plusieurs voitures allemandes disséminées dans l'avenue. Il n'y Un cordon d'une vingtaine d'Allemands en uniforme vert et fer gros, tous armés. Deux agents de la Gestapo en uniforme marron, croix gammée, rouge au brassard. Un Français en civil, à l'allure débraillée, muni d'une mitraillette. Un passant, sans doute y a-t-il des barrages, fouille générale, Diane est l'objet de brutalité et jetée à terre, coup de poing, coup de pied. Les bras levés, tous réintègrent le camion sur injonction de la Gestapo et du Français qui monte aussi dans le camion. Ce sont les mêmes chauffeurs, vraisemblablement, qui sont à l'avant. Il est midi et demi, on roule vers la rue des Saussets. 10 minutes après environ, on est à destination. Le groupe Malevé descend du camion. On lui adjoint quelques hommes dans la même situation se trouvant dans la cour. Tous sont mis face au mur, Malevé. Deux Français en civil surveillent munis de matraques. Vers 2h, un officier installé dans la cour fait l'appel individuel et relève lui-même à la machine les renseignements d'identité. Pas d'interrogatoire sur l'expédition. Tous reviennent un à un au mur. Les mains désormais sur la tête et resteront ainsi. À 20h30 environ, Diane est menée en cellule seule. Vers 22h, un soldat la conduit dans un bureau, trois officiers s'y trouvent. On lui rend son sac, elle est libérée. La cour qu'elle retraverse est vide. Un soldat lave le pavé. Aucun témoignage sur ce qui s'est passé depuis les faits relatés jusqu'à la découverte des cadavres. Vous avez effectué votre service militaire? Alors vous êtes un soldat de France. À ce titre, vous avez le droit de rejoindre l'Union Nationale des Combattants. L'UNC est l'association de référence pour la solidarité, la commémoration et la défense de vos droits. Soldat de France, rejoignez l'UNC. Informations sur le site unc.fr ou au téléphone au 01 53 89 04 04 01 53 89 04 04 prix d'un appel local. J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, cent fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse. Reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma je veux juste une terre.

Chervinska, de son côté, donne signe de vie en essayant de joindre Jeanne sans aucun succès le dimanche 20 vers 4h. Elle a été arrêtée le 29 août à 2h du matin à son domicile, hôtel Molière 18, rue de Vaugirard. Elle a été incarcérée au vélodrome d'Hiver où se trouvait déjà Charles Porel, arrêté lui-même par la police française ou tentant de rejoindre Nancy. Il traversait nos lignes. Finalement, Charles Porel est interné au camp de Drancy et Catherine transportée au fort de Noisy à Romainville. Le procès de Charles Porel, de son vrai nom Karl Reibein, de Lydia Chervinska et des gestapistes français a été ouvert au tribunal militaire de Paris le 20 novembre 1952. Sur le banc des accusés, une femme et 13 hommes, dont Georges Twissy-Gardini et ses deux fils qui avaient à peine 20 ans. Le cas de Reibein, Porel, a été dissocié parce que officier allemand en service. Quant à Chervinska, elle a été relaxée, le tribunal ayant considéré qu'elle n'existait pas de preuves suffisantes prouvant qu'elle connaissait le véritable rôle de son amant. Le tribunal a rendu son verdict le 23 décembre en prononçant 8 condamnations à mort et 7 autres par contumace. J'ai vu des lumières Le comité de libération de Chelles a été formé pendant l'occupation allemande. Il sort de la clandestinité le 21 août et se réunit le lendemain pour désigner les membres de la commission municipale. C'est M. Schlosser, dont le fils a été fusillé à la cascade, qui est élu maire. Le vendredi 25 août, un groupe de militaires allemands, après avoir entouré la maison habitée par Mme Verdot, lance quelques grenades, blessant grièvement celle-ci. On sait que son fils Roland avait été fusillé 8 jours avant à la cascade. Puis les militaires se dirigent vers la maison d'à côté, d'où ils sortent un groupe d'enfants de 16 à 17 ans, dont le deuxième, fils de Mme Verdoux. Emmenés au parc municipal, ils sont tous abattus. Vers 20h30, toujours le vendredi 25, les membres des FFI et plusieurs personnalités de Chelles se rendirent au parc municipal où ils constatèrent, face à la mairie, qu'un assez grand nombre de corps gisaient pêle-mêle, sans signe de vie. Il y en avait 13. Tragique spectacle qui dépassait en horreur tout ce qu'on pouvait imaginer. 12 corps furent identifiés malgré la rage avec laquelle ils s'étaient acharnés sur eux, la soldatesse hitlérienne. Quelques-uns étaient défigurés par la mitraille et les grenades. 12 de ces malheureux étaient morts, le 13e, un Algérien prisonnier évadé, faisant partie du corps franc, donnait encore des signes de vie. Les corps de ces victimes furent conduits aussitôt dans la salle paroissiale de l'avenue Caillou, transformée en chapelle ardente. En outre, il fut constaté que des mines avaient été posées près de la mairie et quelques-unes avaient fait explosion, provoquant une destruction partielle de la façade du bâtiment principal. Les collaborateurs notoires ainsi que des prisonniers allemands incarcérés à proximité avaient été délivrés par les nazis et emmenés avec eux afin de les protéger, notamment les Jodot, miliciens, le ménage Irigoyen, le gestapiste Lang, le père Dubois, en tout, une vingtaine d'individus. Toujours le 17 août au petit matin, les premiers passants découvrent 7 cadavres gisant sur le trottoir devant le numéro 10 de la rue Leroux à Paris dans le 16e. Les meurtriers ne prennent plus soin de cacher leur crime. Ils le signent car dans l'immeuble se trouve une annexe de l'état-major de la Gestapo. Ironie de l'histoire, c'est aujourd'hui le siège de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. La plaque apposée énumère les noms des 7 résistants avec la mention « tombés dans une embuscade de la Gestapo ». On comprendra aisément notre étonnement de trouver dans les premières lignes du rapport que Jeanne se trouve être Sabine Zlatin. L'abbé est en relation avec Jeanne, lit-on, infirmière de la Croix-Rouge, Croix de guerre 1940, directrice de la maison des enfants réfugiés de l'Ain à Izieux. Services nombreux dans la résistance, recherchés par la Gestapo, le mari étant déjà déporté. Il nous semblait nécessaire de séparer ce paragraphe de son contexte. Ceci pour être en mesure d'analyser en toute clarté son rôle dans ce tragique événement. La première question venant à l'esprit est pourquoi Sabine Zlatin n'évoque pas dans ses mémoires le crime de la cascade. C'est exact, mais la lecture des pages 60 et 61 nous apporte un début d'explication. Après la déportation des enfants, elle revient à Paris où elle ne retrouve ni parents ni amis. Que pouvais-je faire alors qui donnerait un sens à ma vie ? J'ai cherché à m'employer dans la résistance, dit-elle. Et quelques lignes plus loin, ce qu'elle dit constitue sans doute une allusion au crime de la cascade. Puis survint l'annonce du débarquement. Ce fut pour les mouvements de résistance une période d'activité fébrile, et aussi de répression particulièrement féroce d'une Gestapo nerveuse. Un traumatisme qu'elle ne tenait probablement pas à raviver. C'est bien sûr son droit de ne pas en parler, mais ce n'était surtout pas dans son intérêt de ne pas témoigner. Toute occultation en historiographie, indépendamment des raisons, ouvre la porte aux hypothèses les plus fantaisistes. Jeanne est tombée, comme bien d'autres, dans le piège raffiné de la peur. À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la la la la la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La, la, la, la, la. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La la la la la la la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat. La la la la la la la la la la la la la la. Non, je ne reviendrai pas. La la la la la la la la la la la la. Non, je n'étais qu'un soldat. La la la la la la la la la la. Prends soin de toi. 19 août 1944. Les voitures allemandes s'agitent. Les Allemands partent. L'armée de fer déménage à la cloche de bois. Le départ devient du rare. Des trains de camions descendent les Champs-Élysées, chargés d'hommes et de matériel. On disait autrefois, ils nous prennent tout. Bientôt, on dira qu'ils nous ont tout pris. Ils rôdent. Partie d'une retraite ou un mauvais coup. Sur ces avenues vides, Paris sent que quelque chose se prépare. Et soudain claquent les premiers coups de feu. Jaillit des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs. Les appels longtemps contenus. Les cris d'espérance et les ordres. Paris a compris que la libération est proche et que c'est lui-même qui doit périr. Voilà, c'est avec cette archive de l'INA qui annonce l'émission de demain que nous consacrerons à la libération de Paris, que je vous souhaite à toutes et à tous un agréable moment à l'écoute de votre radio préférée. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition de Passeurs de mémoire sur votre radio préférée. Et je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite un agréable moment et à demain. Ciao, ciao.